ses graines et les heures qui passent ne pourront rien changer. C'est mon destin, ma route, ma façon d'étouffer les fantômes que j'enlace, laisse toujours en moi comme un coup de déroute. Et les jours qui se suivent avec leur lot de larmes, leur sourire charmeur me laisse sur ma faim. Chaque fois quelque chose s'en vient rompre le charme de ce que j'entrevois comme le bon chemin. À leur mort, ça fait trop mal, juste des mots qui se bousculent, juste un chagrin que l'on ravale, souvenir d'une vie en particule. Les années qui passent, ce temps qui me rattrape, comme pour me faire comprendre la valeur de la vie, m'entraîne doucement comme un rêve qui s'échappe et qu'on voudrait garder à la fin de la nuit. Pas de remords, ça fait trop mal, juste des mots qui se bousculent, juste un chagrin que l'on ravale, souvenir d'une vie en particule. Les souvenirs sont là, plus près que l'on ne pense, tout ce qu'il y a derrière nous revient dans la gueule. Quand on se laisse aller à gamberger tout seul et qu'on doute de tout, comme si on savait d'avance, le doute qui s'installe au fur et à mesure, que passent les semaines, que passent les années, ne nous rend pas plus fort, car les craintes perdues d'avoir usé son temps sans jamais rien trouver. Remords, ça fait trop mal, juste des mots qui se bousculent, juste un chagrin que l'on ravale, souvenir d'une vie en particule. Tous les projets fanés, les souvenirs balayés, à cause d'une vie qu'on a brûlé en vain, toutes ces belles promesses faites en levant la main, ont quitté notre cœur, on les a oubliées. Pas de remords, ça fait trop mal, juste des mots qui se bousculent, juste un chagrin que l'on ravale, souvenir d'une vie en particule. Mais un jour on s'assied comme pour faire une pause, et l'esprit vagabond se vide d'un seul coup. Si on n'a jamais pleuré cette fois-là, on ose, comme si on refusait d'être mis à genoux. Pas de remords, ça fait trop mal, juste des mots qui se bousculent, juste un chagrin que l'on ravale, souvenir d'une vie en particule. Pas de remords, ça fait trop mal, juste des mots qui se bousculent, juste un chagrin que l'on ravale, souvenir d'une vie en particule.